Que dis-tu? Que fais-tu, passive tourterelle, dessus cet arbre sec? Hélas, je me lamente. Et pourquoi? Dis-le-moi. De ma compagne absente, plus chère que ma vie. En quelle part est-elle? Un cruel oiseleur, par glueuse cautelle, l'a prise et l'a tuée. Et nuit et jour, je chante son trépas dans ses bouesses, nommant la mort méchante qu'elle ne m'a tuée avec ma fidèle. Voudrais-tu bien mourir avec ta compagne? Oui, car aussi bien je languis de douleur, et toujours le regret de sa mort m'accompagne. Ô gentils oiselets, que vous êtes heureuse d'aimer si constamment. Qu'heureuse est votre cœur qui, sans point varier, est toujours amoureuse.